Mi-saison du côté du Canadien de Montréal, l'équipe qui est dirigée par Michel Therrien connaît une excellente saison. On s'en va vers une saison de 108 points avec des faiblesses apparentes défensivement. On a de la misère à trouver 6 bons défenseurs. Et également le jeu de puissance qui est vraiment difficile, 27e au classement dans la Ligue nationale. On en parle avec notre collaborateur Frédéric Deck. Salut Fred! Fred, Bonjour, ouais, Danny. on s'en va vers une saison de 108 points et comme j'ai mentionné, avec quand même des lacunes importantes. On a de la misère à trouver après Markov, après Piqué. Et c'est sûr, il y a Guntcharme à 40 ans. On se pose des questions. Donc, on a de la misère à trouver 6 bons défenseurs, là. On a l'impression qu'à partir de la troisième ou quatrième, c'est toutes des 6, des top 6. Ben, moi, si tu te rappelles bien, au début de saison, je t'avais dit que je voyais le Canadien se battre pour le titre de sa section avec les Bruins. Bon, le Canadien se bat encore pour le titre de sa section. Les acteurs ont changé, c'est avec le Lightning et avec les Red Wings de Détroit présentement. Mais j'avais pas prévu que le Canadien serait en mesure d'offrir ce genre de performance, comme tu le dis, avec une défensive bien ordinaire après ces deux premiers douteuses, oui, même à l'occasion. Et surtout avec un jeu de puissance complètement famélique. Quand le Canadien a connu des bonnes saisons dans les dernières années, c'est parce qu'il avait un des meilleurs jeux de puissance de la Ligue nationale. Et puis là, il a un des pires, puis il connaît quand même du succès. Alors ça, c'est assez surprenant. Ce qui ne l'est pas, par contre, ben en tout cas, à mon avis, c'est de voir le Canadien trôner tout près du sommet. C'est de la façon dont il s'y prend pour le faire. Qui Ah l'est oui, effectivement. surprenant. Est-ce que tu irais avec là évidemment le Canadien qui est vraiment quoi se bat pour le titre de la conférence, mais est-ce que Marc Bergevin doit faire quelque chose? Moi je pense qu'il doit absolument s'améliorer, aller chercher un défenseur un bon troisième défenseur. Sergei Gonchar, on a beau dire qu'il est exceptionnel avec raison, sauf que ça va. Je suis pas sûr, moi, qu'avec Markov, Gonchar, dans les séries, j'ai peur qu'il manque de l'essence. Est-ce que Marc Bergevin, selon toi, doit faire quelque chose? Ben, là, Guntcharme, évidemment, il était pas là au début de saison. Lui, c'est un pompier, là. Il vient éteindre un feu pour le Canadien. C'est une solution temporaire. Là, ce qui semble être encourageant de ce côté-là, c'est que Nathan Beaulieu semble avoir retrouvé son aplomb au cours des dernières semaines et semble vouloir là prendre du galon, c'est-à-dire grimper dans la hiérarchie là de l'unité défensive de l'équipe. Par contre, là, si je pense que si Marc Bergevin, il n'y a aucune raison de croire qu'il pense pas ça, s'il pense que l'équipe, le moment est bon pour tenter sa chance, pour aller jusqu'au bout, ben là, peut-être que oui, il fait le temps d'aller se chercher du renfort en défense, mais là, faut pas se tromper de peur non plus. Des défenseurs numéro 3 fiables dans la Ligue nationale, là, il y en a pas des tonnes sur le marché et ça va coûter cher. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à céder pour obtenir ce défenseur numéro 3 en retour? Ça, c'est une grande question que l'organisation du Canadien Moi, je doit pense se qu'il y a des poser. joueurs, Fred, que je suis pas sûr qu'ils ont un avenir à Montréal, mais qui ont un avenir dans la Ligue nationale, peut-être. Je pense entre autre à Greg Patron, qui est à Hamilton, qui est, d'après moi, qui est un défenseur qui pourrait intéresser certaines équipes. Le Suédois Nygren également, ça pourrait en être un autre. Il y a quand même quelques joueurs qui pourraient être intéressants à Hamilton pour les autres formations, là. Bien, sûrement, sauf que Patrick a eu quelques occasions de se faire valoir à Montréal. Ça n'a pas été concluant. Je sais qu'il a connu quand même un camp d'entraînement fort respectable cette année. Mais moi, je pense que le Canadien est pas là pour retarder la progression de ses joueurs non plus. Je pense que si Patrick était supérieur à Weaver, était supérieur à Tom Gilbert, était supérieur aux joueurs qui sont présentement à Montréal, je pense qu'il serait à Montréal. Alors, là, est-ce qu'il peut intéresser une autre formation de la Ligue? Bah, peut-être, mais je pense que pour l'instant, et je sais pas là le plafond, si Greg Patron a atteint son plafond de développement, je l'ai pas vu assez et je connais pas assez le développement des défenseurs au hockey pour peut-être dire ça, là. Mais je pense que la solution se trouve pas là. On dit que Nygren, c'est un des éléments clés des Bulldogs, notamment en avantage numérique, mais qu'il n'est pas prêt à jouer dans la Ligue nationale. Alors ça, peut-être que c'est un projet plus à moyen terme. Mais je pense que si le Canadien veut s'améliorer en défensive, je pense que ça, la solution se trouve à l'extérieur de son organisation pour l'instant. Tes surprises et déceptions du début de saison. Moi, ma surprise, c'est quand même, il y a quand même, Phil Desgagnons dit que Michel Therrien fait tout un job. Faut quand même admettre que oui, fait une déception, on peut parler de quoi? Piqué Souban, à peu près? Ah, moi, non. Pas pour moi. Moi, tu sais, j'ai été très critique par le passé de Michel Therrien. Moi, c'est une de mes surprises cette année. Michel Therrien semble avoir d'abord la touche demi-d'as là, cette année. Tout ce qui touche se transforme en or. Tous les changements qu'il a apportés à la formation lui ont réussi. Mais il me semble, en tout cas, de mon œil d'observateur, me semble meilleur pour s'adapter à ce qui se passe pendant le match. Peut-être que c'est une mauvaise perception que j'avais de Michel Therrien auparavant, mais moi, il me semble que ses ajustements en cours de rencontre sont plus efficaces. Et le Canadien, à un moment donné, là, avait une séquence, je pense, que dans ses 12 premiers matchs où il avait jamais ou presque pas marqué le premier but de la rencontre, puis il avait une fiche, je pense, de 10-2 ou 10-8-2-2. En tout cas, il avait une excellente fiche. Et ça, à un moment donné, quand tu tires constamment de l'arrière, mais que tu gagnes des matchs, ça veut dire que tu as fait les bons ajustements, là, que tu as pu te ressaisir à temps. Alors moi, Therrien, c'est une de mes belles surprises cette saison. Je dirais que Galchenyuk, c'en est une autre, même si depuis quelques matchs, là, la production offensive n'est pas là. Gonchar, c'en est une belle surprise. On était prêt, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, beaucoup de partisans étaient prêts à lancer une volée de bois vert à Marc Bergevin quand il est allé chercher le vieillard Gonchar. Mais finalement, il s'avère une belle acquisition pour l'équipe. Et puis moi, Souban, c'est pas une déception du tout. Souban a 27 points. Il a une fiche défensive, un différentiel défensif de plus de 10. Oui, il prend des mauvaises pénalités, c'est vrai, mais moi je suis pas prêt à lui lancer la pierre. C'est encore un très jeune joueur. Son apprentissage, son développement est loin d'être complété. Peut-être que c'est au niveau justement de la discipline et de plus mental où les ajustements devront être apportés dans son cas à lui. Moi, la grande déception de cette saison, c'est qu'on n'est pas capable de trouver un jeu de puissance digne de ce nom. Je suis obligé de dire aussi David Desharnais qui a eu sous Michel Therrien notamment toutes les chances du monde de se faire valoir, de jouer au sein d'un premier trio dans la Ligue nationale, et la production offensive n'est pas là. Alors à ce moment-là, à un moment donné, Michel Therrien ne peut pas indéfiniment lui donner des chances et du temps de jeu comme il l'avait. Et puis, c'est ce qui fait en sorte que Desharnais se retrouve maintenant lié gauche sur un deuxième ou troisième trio au sein du Canadien. Et puis que certains pensent même peut-être que ces jours sont comptés dans l'organisation. Ça reste à voir, mais peut-être que ça sera une belle monnaie d'échange pour Bergevin, justement. Mais Desharnais, le jeu de puissance et l'unité défensive du Canadien en général, même si le Canadien gagne, ce sont trois déceptions peut-être. Là, tu parles de la saison. Tu places où l'harceleur dans tes déceptions? Oh, je sais pas quoi penser de l'harceleur. C'est un joueur qui montre de belles phases. Oui, c'est le bon terme. Tu sais, pendant 3-4 matchs, tu dis ce gars-là comment ça se fait qu'il joue pas ses deux premiers trios. Pendant 3-4 autres, tu te demandes quasiment comment ça se fait qu'il est dans le top 12 des attaquants. C'est difficile et je te dirais, moi j'aimais beaucoup l'acquisition de Manny Malocha par Marc Bergevin cet été. Je pense qu'il a rendu fier service, mais on dirait que plus la saison avance, plus les années le rattrapent. Depuis dans le dernier mois, Malocha, ça a été très difficile pour lui. C'est un des rares joueurs du Canadien qui a un différentiel négatif au sein de l'organisation. Et lui aussi, à un moment donné, il a beau jouer sur un quatrième trio, il faut que la production française vienne, il n'a qu'une aide depuis le début de la saison. LR, là, pour répondre à ta question, LR, c'est je sais pas quoi penser. Lui aussi, là, on peut pas dire que l'entraîneur ne lui a pas donné toutes les chances de se faire valoir. Puis on dirait que ça On peut parler également d'Alexis Emeline comme déception qui risque d'être laissé de côté. Lorsqu'on parle du troisième défenseur qui devrait faire le travail, ben, je pense qu'Alexis Emeline en est un. Oui, puis Emeline, juste pour faire une parenthèse, là, une de ses belles qualités par le passé, c'est que à chaque fois qu'on lui passait la rondelle pour tirer au filet, le tir était au filet. Cette année, on dirait qu'il lance partout sauf au filet. Et puis au niveau des mises en échec aussi, c'est pas, on lui demande pas de défoncer les bandes à chaque fois, mais on dirait qu'il rejoint pas les gars cette année. On dirait que je sais pas s'il est encore embêté par sa blessure au genou. J'espère que non. Mais au niveau du patin, il semble avoir de la difficulté à suivre le rythme. Okay. Je veux revenir sur Gonchar. Gonchar, j'ai des doutes pour la fin de saison. 40 ans, on peut se poser des questions. Mais ce qui est donné, hein. Et forcé d'admettre, que si Nathan Beaulieu débloque, semble débloquer, et lui, il donne tout le crédit à Gonchar. Hein? Ben, tu sais, sans vouloir faire une comparaison là, boiteuse, là, souviens-toi de Mike Komisarek quand tu jouais avec Markov. Markov, Komisarek avait l'air d'un candidat de Ruffin Norris certains soirs. Et puis je te dis pas que Beaulieu là va s'effondrer si on débarque avec Markov. Mais pour un jeune joueur comme Beaulieu, de jouer avec un gars qui a une tonne d'expérience et un talent incroyable comme Sergei Gonchar, c'est sûr que lui, ça ne peut que le tirer vers le haut. Et je pense que ne serait-ce que pour le développement de Beaulieu, l'acquisition de Gonchar aurait été une super acquisition de Bergevin. Parlant de Mike Komisarek, tu vas voir où ce que je veux en venir. Jared Tinordi a mangé toute une volée vendredi soir à Hamilton. Tu te rappelles très bien de comment la carrière de Mike Komisarek a piqué vers le bas. C'est suite à un coup de poing de Milan Lucic. On a entendu beaucoup d'experts dire que ça va avoir un impact, ça n'aura pas d'impact. Selon toi, Fred, parce qu'on en a des exemples. On a Komisarek, on a Pierre Bouchard avec Stan Jonathan, on a Louis Lega qui avait mangé une bonne claque à Marboulette, puis ils ont jamais été le même. Selon toi, Fred, est-ce que finalement, Tinordi, ça va avoir un impact, oui ou non? Ben, il est un peu tôt pour le dire. Komisarek, si je me rappelle bien, il avait subi une importante blessure aussi dans son combat face à Lucic. Il avait pas eu une luxation de l'épaule dans ce combat-là, puis il avait tenu à l'écart très longtemps. C'est sûr que par après, il était un peu plus craintif, peut-être. Moi, ce qui me dérange le plus dans le combat de Tenorti, c'est pas le fait qu'il se soit fait passer le chaos, c'est le fait que ces deux défenseurs, à peu près à 60 pieds de distance, puis dès la mise en jeu, les gars en tombent. C'est un combat qui était stagé, qu'on dit, là, qui était mis en scène. Ça, c'est ça que je trouve le plus insignifiant. Et s'il y a un message, selon moi, là, en toute humilité, s'il y a un message à passer à Jared Tenorti là-dedans, c'est de lui dire, si dans le feu de l'action, pour défendre un coéquipier ou que quelqu'un te défie pour répondre à un coup salaud, tu dois acheter les gants, on n'a pas de problème à ce que tu le fasses, mais s'il vous plaît, des combats de WWE, là, on peut-tu laisser faire ça? Là? Ouais. C'est épouvantable. Et, en tout cas, ça a mis de l'eau au moulin à ceux qui, comme moi, souhaitent voir l'élimination pure et simple des bagarres au hockey. Là. Ça n'a pas sa place. Là. J'ai pas vu le match, là. Si c'était donné des coups salauds plus tôt en QTK et Hamilton, ben, il fallait le régler sur le coup, là. Pas une période plus tard, si c'est le cas, mais, en tout cas, moi, je sais pas ce que ça va changer pour Tenordi. On le verra quand il va revenir au jeu. Peut-être qu'il va revenir plus fort, plus concentré. Je sais pas, mais je pense que là, il était un peu tôt pour le dire. Et moi, un mauvais coup de poing, c'est pas le premier à en avoir reçu un, c'est pas le dernier, puis ils ont pas tous mis fin à leur carrière. Tinordi, son père a été un joueur robuste, c'est un excellent défenseur, mais c'est au début de sa carrière, c'était un bagarreur, donc au moins la consolation là-dedans, c'est que Mark pourrait très bien le guider, là, son garçon. Là. Heureusement, j'ai peur de... Moi, je suis certain que la discussion a déjà lieu entre les deux hommes, là, puis que c'est... Moi, je suis certain que Tenordi déjà passé à autre chose. Puis que ça fait plus parler dans les médias que chez les Nordiques. Fred, un gros merci. On se reparle sûrement dès que l'actualité du Canadien l'exige. Voilà, parfait, Frédéric merci. Deck de la presse canadienne.